Léandri ne se nourrissait presque plus et respirait avec difficulté. Sérina le visitait tous les jours environ 2 heures, sans faillir. Elle apprenait à mourir en le regardant sombrer. Puis il se donnait à Melchior avec une fougue de plus en plus violente et silencieuse. « Je suis déjà entré dans ma mort, » dit Léandri. « C'est drôle, je sens qu'elle est la seule force à l'œuvre en moi. » Sérina ne reculait jamais devant la vérité et il lui était reconnaissant de lui offrir la possibilité d'un réel échange dans ces moments. « Lors de tous les événements très importants de ma vie, » dit-elle, « j'ai senti une sorte de dédoublement. Une partie donnait du sens à ce qui se passait et se sentait presque étrangère. L'autre partie survivait et s'étonnait de ce que la vie continuait à être aussi banale, aussi familière dans ces moments-là. « Qu'essaies-tu de me dire ? Excusez-moi, je ne m'exprime peut-être pas très clairement, mais j'ai toujours pensé que la mort était sans doute beaucoup plus banale et familière que ce qu'on croit. Sans doute. Est-ce que tu me plains ? Je ne sais pas, » dit-elle en souriant. « Je plains votre douleur, je plains votre solitude. Je n'ai pas l'impression d'être seule, Sérina, tu es là. » Elle lui serra la main. « Je ne me plains pas de ma mort, » continua-t-il. « Je meurs libre, caché de mes ennemis. Je meurs avec une jeune femme que j'aime à mes côtés. Mais je me plains de ma vie. Qu'auriez-vous voulu changer ?» Toutes ces années passées à espionner, tapis dans l'ombre, seul sur ma toile, j'échangerai 30 ans de cette vie-là contre 5 de lutte active. Sérina sourit. Si vous n'aviez pas été là, tapis dans l'ombre, que serais-je devenu ? Elle avait touché la seule corde qui pouvait le réconforter, alors elle continua, à la fois sincère et consciente du bien qu'elle lui faisait. Si j'avais dû grandir sans votre présence discrète, si je ne vous avais pas eu comme ami, qu'aurais-je fait de ma vie ? Vous m'avez sauvé, Léandri. Vous avez donné un sens à ma vie. Je vais m'enfuir grâce à vous. Je vais lutter grâce à vous. Tu vas mourir grâce à moi. Je mourrai de toute façon. Aujourd'hui, c'est votre tour, mais dans quelques mois, dans quelques années, qu'importe, ce sera le mien. Alors, pourquoi regretter pour vous ces 5 années de lutte active si vous ne les jugez pas assez bonnes pour moi ? Léandri voulut rire, mais il toussa. Sérina ne s'habituait pas au raclement profond, horrible, qui déchirait sa poitrine. Elle songea que lorsqu'il mourrait, son cancer allait mourir aussi, ainsi que sa souffrance. C'était une consolation. « Tu discuteras le bout de gras jusqu'à la fin, » dit-il, quand il fut remis. « Jusqu'à la fin, » dit-elle en souriant. « Quand dois-tu partir ? Dans 10 jours ?»« Je t'attendrai alors, je tiendrai jusque-là. » Sérina eut soudain les yeux humides, et elle s'excusa en les essuyant. « Pourquoi t'excuses-tu ? » demanda-t-il. « Tes larmes sont si précieuses. » « Je pleurerais de la même façon si je devais vous laisser en bonne santé. Je n'ai pas envie de vous quitter, » dit-elle. « Moi non plus, » dit-il. « Mais nous partons tous les deux, et dans des chemins opposés. » Il demeura un instant pensif, et Sérina se demanda s'il éprouvait une douleur particulière à cet instant. Elle attendit patiemment. « Parle-moi de Melchior, » dit-il au bout d'un long moment. « Je pense qu'il ne partira pas avec moi. » Est-il sympathisant ? Sérina réfléchit. Il noie le poisson lorsque j'essaie de lui en parler. Je crois qu'il ne s'agit pas de l'acheter, il s'agit d'autre chose. Tu es sûr qu'il ne te tend pas de piège ? Oui. Le vieil homme hocha la tête. Tu tournes autour du pot, Sérina, et nous n'avons plus de temps pour cela. Elle sourit et se reprit. Sa réaction quand je lui parlais d'Olga, son intérêt pour toutes ces choses, sa retenue. J'arrive presque à croire qu'il penche de l'autre côté, du côté de l'autorité. C'est un homme très ambitieux. Et comment aurait-il eu toutes ces informations ? Quelle déception cela aurait été pour sa mère. Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne cours aucun danger ? Je peux me tromper, mais je crois qu'il est amoureux de moi. Je crois que ce sentiment lui fait peur, je crois que je le gêne. Et si je rejoins la dissidence, il n'aura plus de témoins. Il sera débarrassé du trouble où je le jette. C'est pour cela qu'il me laissera partir. Je n'ai pas à te juger, Sérina. Mais fais-tu tout cela uniquement par intérêt ? Sérina sourit. Je ne pensais pas vous parler de ces choses, mais j'éprouve quelque chose de bizarre pour lui, quelque chose d'intense, de physique. Je n'arrive pas à me l'expliquer. La sainte et le bourreau, commenta Léandri. Ce sont là des considérations qui me dépassent un peu, mais je t'en prie, pardonne mon indiscrétion. Le fait que je sois mourant ne me donne pas tous les droits. Sérina lui fit un baiser sur le front. Je vous pardonne, dit-elle en souriant. « Je vous pardonne de m'avoir fait rougir. » Léandry eut une nouvelle canne de toux, plus épuisante que la précédente. Quand il s'en remit, il congédia gentiment Serena, en prétextant qu'il voulait faire un somme. En vérité, c'était parce qu'il savait qu'elle était déjà en retard et que pour rien au monde, elle ne le lui aurait dit.